44e chapitre. Toujours les songes. Oh, j'ai obéi, j'ai attendu. Maintenant très riche, très heureux, grâce à la chèvre fantastique et à ses inépuisables monceaux d'or, nous réalisons, Norette et moi, des choses extraordinaires. D'abord, le puget mort a été passé de fond en comble au lait de chaux et reluit quand le soleil donne comme un diamant sur son pic. Comblés des libéralités de Norette, les habitants sont devenus autant de petits seigneurs et ne braconnent plus que pour leur agrément. Monsieur Honora, toujours maire, mais qui désormais fume ses pipes en costume turc, a eu l'idée ingénieuse de placer à l'entrée du village un écriteau portant ceci. Arrêté municipal. La pauvreté est interdite sur le territoire de la commune. C'est peu parle, aidé du bon gendarme qui en charge de traquer les délinquants. Ils les appréhendent sans pitié et ne leur permettent le séjour qu'à condition d'accepter des habits neufs et une bourse abondamment garnie. Ceux qui font les méchants et refusent sont illico reconduits à la frontière. Pour le quart d'heure, un certain égoïsme tient, et je m'occupe surtout de Norette, c'est-à-dire de moi-même. J'ai relevé pour elle, en élégant style mauresque, au milieu des précipices et des rocs, le château dans les débris duquel nous cueillîmes les fleurs de la reine. Norette est reine, reine des bohémiens. Elle a des robes brodées de perles et de rubis, et se pare de bijoux étranges. Saladin la sort. Seulement, je ne sais pourquoi, Saladin est négresse et s'appelle Sarah. Ce qui, d'ailleurs, n'a l'air d'étonner personne. J'oubliais de dire que Misegiano, entre nous, c'est bien elle la chèvre d'or. Et l'autre matin, l'ayant arrêtée par les cornes, je me suis étonnée de la lourdeur et du froid métallique de sa toison. Oui, j'oubliais de dire que Misegiano habite au fond d'un jardin égayé de jets d'eau, chantant dans des bassins de marbre et plantés d'arbres d'Orient, un délicieux pavillon à jour. Et que chaque dimanche, l'abbé Seb nous dit la messe dans une chapelle coiffée d'une calotte en briques peintes et qui a ses cloches dans un minaret. Au surplus, je compte mettre la fortune dont le destin m'a fait comptable au service de la France et de l'humanité. Je médite de grands projets. Mais j'attends pour l'exécution la présence de Gantôme, qui a des idées là-dessus. Car seul Gantôme manque au puget. Gantôme est parti sur Arlatan et s'en est allé retrouver dans le domaine de la petite Camargue, patron Ruf et Tardive. Mais ils doivent revenir tous les trois bientôt. Un signal annoncera que leur galère est mouillée à la calanque d'aigues sèches. Nous la chargerons de pierreries. Je m'embarquerai avec Norette et nous ferons le tour du monde. Au milieu de mes rêves, c'était là, je me rends compte maintenant, des rêves causés par la fièvre. Parfois une angoisse se mêlait, comme la douleur lancinante de quelques blessures mal fermées. Alors je rencontrai Galfard, un Galfard méchant, ironique, dont le sourire me glaçait. Puis l'angoisse, la douleur cessait, pour faire place de nouveau à la féerie des visions, visions de puissance, de vie noble et libre, généreusement promenée, avec l'amour pour compagnon, à travers les océans bleus, le long des côtes fortunées, où des groupes de villes blanches, des palais aux vives couleurs, se couchent parmi les palmiers.